Chapitre 19. Scène d'amour. Monsieur de Sonville, après cette sanglante exécution, voulut rejoindre sa nièce au plus vite. Il partit donc. En traîneau ou en voiture légère, attelée de chiens, on fila avec une rapidité extraordinaire. Aussi arriva-t-on à la tribu des Sioux en peu de jours. Le sachem reçut monsieur de Sonville avec de très grands honneurs. Le commandant, en passant par les Fort Factoreries, où, comme on le sait, il était maître, avait pris 500 fusils, de la poudre et des balles, et il les apportait. On juge de la joie de la tribu et de son sachem. Rayon d'or, auquel tout le monde rendait justice, reçut les plus vifs compliments. Mais il avait son idée. Il voulait parler à mademoiselle de Pellouer, et celle-ci évitait les occasions. Mais Rayon d'or n'était pas un jeune homme à se payer des fuites, refuites, feintes et habiletés d'une personne qui ne tenait pas à lui parler, ce qui devenait évident. Donc, il écrivit sur une belle peau d'agneau bien blanche. « Mademoiselle, il faut absolument que j'aie un entretien avec vous. Naturellement, vous pouvez avoir auprès de vous qui vous voudrez, excepté mademoiselle Nadali ou madame Takidata et Takinadou. Je ne vous tiendrai pas longtemps et je plaiderai ma cause en quelques mots. Je vous prie d'agréer l'assurance de mon affectueux dévouement. Votre serviteur, Rayon d'or. » Au reçu de cette lettre, mademoiselle de Pellouer fut très perplexe. Que lui voulait-il, ce Rayon d'or? Hélas, elle le devinait. Mais jamais elle ne consentirait à devenir madame Rayon d'or. Oh, pour cela, non. Jamais, jamais. Mais enfin, il fallait en finir. Elle se flanqua de sa tante mistresse Mortonnet, fit dire à Rayon d'or qu'elle était prête à l'écouter. Rayon d'or se présenta d'un air embarrassé qui ne lui était pas habituel. Mademoiselle de Pellouer en augura mal et se tint sur ses gardes. Rayon d'or salua la tante d'abord, puis la nièce. Après quoi il dit « Mademoiselle, j'ai une nouvelle à vous donner. Votre oncle m'a engagé à son service. » « Ah » fit-elle. « Lui, souriant. Ça change tout. »« En quoi ?»« Ça rend possible un mariage que j'ai projeté, mademoiselle. » Mademoiselle de Pellouer prit un air sévère, pendant que sa tante, vieille colombe attendrie, roucoulait maladroitement. « Ah, vous voulez vous marier, monsieur Rayon d'or. Vous avez raison. » Mademoiselle de Pellouer, irritée. « Qu'en savez-vous, ma tante ?» Et brusquement au bois brûlé. « En quoi donc, monsieur, ce mariage me regarde-t-il ? » « Mademoiselle, il faut bien que je demande la main de mademoiselle Nadali à quelqu'un, et vous êtes sa maîtresse. » Mademoiselle de Pellouer, radieuse. « Ah, c'est Nadali que vous avez en vue ?»« Vous devez bien vous en douter un peu, je crois, mademoiselle. »« Oui, oui, » fit-elle. Mais ce n'était pas vrai. Elle était enchantée de la tournure que prenaient les choses. « C'est bien, » reprit-elle. « Je ne pense pas que vous soyez indifférent à Nadali, mais il y a un obstacle. Elle a juré sur l'autel de ses dieux de ne jamais se marier. » Rayon d'or dit « Je le sais, mais je lui ai demandé un jour si notre dieu ne valait pas les siens. Elle m'a répondu que c'était le dieu de sa maîtresse. Elle se convertirait très volontiers si vous vouliez vous en mêler. » Mademoiselle de Pellouer se mit à rire. « Allons, » dit-elle, « pour qu'une Amazone puisse se marier, j'ai déjà fait le missionnaire et j'ai réussi. J'espère qu'il en sera de même cette fois, et je vais m'en occuper. Mademoiselle, mille fois merci. » Et Rayon d'or, prenant la main de mademoiselle de Pellouer, la baisa respectueusement, et saluant mistress Morton, il lui dit en riant. « Madame, j'ai bien vu tout à l'heure que vous étiez pour le mariage. Je remets aussi ma cause entre vos mains. » Il se retira.